Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Alain Corbin et Georges Vigarello nous l'ont appris. Tout a une histoire. Les miasmes, les jonquilles, les robes et la pluie, le son des cloches et la séduction. Tout, y compris le bronzage. Le bronzage ou l'action de recouvrir un objet d'une couche imitant le bronze. Le bronzage qui capte les rayons sociologiques, politiques et bien sûr esthétiques. Ambre, huile et crème, Coco Chanel et les congés payés, médecine et hédonisme, voici aujourd'hui l'histoire de l'invention du bronzage. Radio Ganaswinda, bonjour! J'ai pris l'habitude de marcher nu. Je commence à posséder le caractère océanien. Radio Ganaswinda, bonjour! J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. Si c'est un rêve, t'es super belle. Je dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Je te vois toute nue sur du satin. J'en dors plus, viens me voir demain. Mais tu n'es pas là. Eh bien, bonjour, il fait une journée splendide. L'eau est à moins 3 degrés. On attend la neige pour cet après-midi. Si vous pouvez, couvrez-vous bien. Bonne journée. À présent, je contemple avec effroi la caricature à des millions d'exemplaires de mon personnage. Pour ma punition, j'erre dans ces villes de toile qui ourlent désormais la frange de tous les rivages européens, comme dans un monde après la bombe. Je vais me faire rapatrier par Europe Assistance, moi ça va pas faire un pli, tu vas voir. T'emballe pas, tu viens juste d'arriver. Mais je m'emballe pas, je peux pas supporter le soleil, alors. Bonjour Pascal Horry. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous aurez peut-être reconnu Les Bronzés, Richard Cocciante, Paul Morand, Mishima, André Gide également, autant de personnes qui nous accompagnent aujourd'hui pour parler du bronzage. Vous êtes professeur émérite d'histoire à la Sorbonne. Vous avez beaucoup écrit. Parmi vos publications récentes, on trouve Le peuple souverain, de la révolution populaire à la radicalité populiste, L'entre-deux-mets, La crise d'où nous venons, L'histoire culturelle. Qu'est-ce qui vous a pris d'écrire sur le bronzage ? Parce que justement, l'histoire culturelle qui prétend être une histoire sociale des représentations, c'est-à-dire une histoire qui voudrait interpréter la société, comme toute histoire digne de ce nom, mais au travers non pas des institutions mais des représentations, rencontre fatalement sur son chemin ce grand continent qu'est le corps humain. Et comme vous le savez, Adèle Van Rett, le corps a souvent été mis à distance par le savant. Le savant n'a pas de corps, sauf la partie supérieure du corps qui s'appelle le cerveau. Donc l'histoire du corps, ça a mis plusieurs siècles à être un objet légitime, ça l'est. Vous avez cité Georges Vigarello, Alain Corbin, qui sont des collègues avec lesquels j'ai travaillé, puisque j'ai participé à l'histoire du corps qu'ils ont dirigé, à l'histoire de la virilité, etc. Mais c'est très récent. C'est vraiment une préoccupation des années 60. 70, 80, 90, et j'y ai participé d'une certaine façon, puisque au total, l'histoire culturelle confine à l'anthropologie. Et s'il y a bien un sujet anthropologique, c'est celui du corps. Et je commence mon livre en citant Paul Valéry, ce qu'il y a de plus profond, c'est la peau. Oui, parce que réfléchir sur le bronzage, c'est d'abord réfléchir sur la peau, qui est un organe, une partie du corps très intéressante parce qu'elle protège ce que nous avons et en même temps elle se reflète, elle se met à nu face au regard des autres. En tous les cas, elle se montre, les autres la regardent et on se présente, parfois on s'exhibe avec cette peau. Et du coup, je pense qu'il n'y a rien de plus important que de s'interroger sur le statut de cette partie du corps qui, par définition, est en contact avec la société, même si on l'habille, puisque l'habit fait peut-être le moine, mais en tous les cas, fait le corps aussi. Et comment on s'y prend pour réfléchir sur la peau, justement, en tant qu'historien ? On se plonge dans une documentation, parce qu'en histoire, tout est d'abord source, qui n'est pas la plus fréquentée, du moins à l'époque où je me suis lancé là-dedans, parce que c'est un sujet que j'ai accompagné depuis les années 1980. Et la peau. Le bronzage. Donc on se plonge, par exemple, dans les ouvrages de soins de beauté, de conseils généralement destinés aux femmes, significativement, en tous les cas, dans les années du début de mon enquête, les années 1900. Et je dirais que ça me fait penser à Norbert Elias. Vous savez, c'est quand même très frappant de voir que le grand livre fondateur d'Elias sur le processus de civilisation, il l'a écrit à la fin des années 30, quand le monde sombrait dans ce qu'il devait considérer comme une forme de barbarie, et il passait son temps à dépouiller les manuels de savoir-vivre. Et je pense que c'était une manière de résister à la barbarie que de se plonger dans la construction d'un savoir-vivre à la Renaissance. Là, je me trouvais dans une littérature apparemment triviale, légère. Donc c'est la presse féminine. Et alors, c'est destiné aux femmes, mais ce sont d'abord des manuels de soins de beauté. Le bréviaire de la femme, par exemple, d'une aristocrate qui en fait en cache trois autres, qui dans les années 1900 expose qu'elle est vraiment la femme belle par excellence. Bon, c'est tout à fait passionnant, j'en cite plusieurs extraits. Ensuite, bien entendu, les magazines féminins et les grands basculements dont on va sans doute parler dans un instant se situent, pour prendre le cas de la France, et la France, on y reviendra peut-être aussi, est capitale, hein, se situe entre deux générations de périodiques. Vous avez le Petit Écho de la mode, qui depuis les années 1870 représente l'idéal d'une femme plutôt de province que des grandes villes, plutôt de la petite, vraiment, moyenne bourgeoisie que de la haute société. Et sa fille va se mettre à lire Marie-Claire. Et j'étais tombé un jour avec ravissement sur un texte de 1937 de Marie-Claire, mais qui disait tout sur ce basculement mais vertigineux entre la phobie du soleil et l'idolâtrie du soleil. Parmi les éléments qui peuvent expliquer comment ce basculement a eu lieu, on trouve cette personne. Je me suis battue avec tous les couturiers depuis 2 ans pour ces robes courtes, parce que je trouve ça indécent. Avec ces robes-là, j'ai dit que c'était idiot, affreux, et que les femmes n'avaient plus de pudeur et que ça n'intéressait plus personne, que tout ça était devenu bête. Et c'est vrai, parce que pour oser se montrer nu, moi j'ai rien contre les gens nus, s'ils sont beaux. Mais quand ils ne sont pas beaux, eh bien dans la rue Cambon, si vous vous installez là un instant, vous me direz combien de personnes vous avez vues dans la journée qui avaient de bonnes jambes. On ne se doutait pas qu'ils avaient les jambes si mauvaises, les genoux cagneux, trop gros, qu'ils deviennent un peu violets en plus. Oh, c'est affreux. Non. Et puis moi, je crois que quand on déballe tout comme ça, on n'a plus envie de rien. Tout le monde doit être pudique. L'idée qu'on peut tous dire, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des choses auxquelles il faut être préparé pour les écouter. Sinon, c'est très choquant. Pour moi, personnellement, un manque de respect total, c'est affreux. Et vous savez, quand, comme moi, on est seul dans la vie, facilement, si on ne faisait pas très attention, tout deviendrait absolument dégoûtant et équivoque. Pas possible. Une femme qui n'a pas de mari est une femme très à plaindre, voyez-vous. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, et celle qui déplore le manque de pudeur chez les femmes, y compris et surtout celles qui osent montrer leurs jambes alors qu'elles ont des jambes mauvaises et des genoux cagneux, c'est Coco Chanel. C'est une archive du 11 janvier 1971. Coco Chanel qui tient une grande place dans votre livre Pascal Horry, hein, qui s'appelle L'invention du bronzage, disponible en chant Flammarion. Alors, on a du mal à voir comment cette personne, Coco Chanel, qui ici tient un discours, on va dire élitiste, sans doute réactionnaire, peut en même temps être à l'origine de la valorisation du bronzage, qui implique un dénudement. Oui. Je dédie justement mon livre à Alain Corbin, savant, et à Coco Chanel, artiste. Mais justement aussi pour relativiser le rôle de Gabrielle Chanel. Parce que je règle son compte, alors c'est peut-être très prétentieux de dire ça, respectivement à la théorie élitiste suivant laquelle tout partirait de Gabrielle Chanel et de 2 ou 3 personnes. Ce qu'il en reste de vrai de cette théorie, c'est que incontestablement, le basculement vers le bronzage a commencé par les élites féminines d'Europe et même précisément de France. Mais Gabrielle Chanel n'était pas à elle toute seule ce qu'on appellerait aujourd'hui une leader d'opinion. Elle fait partie du mouvement, mais ce n'est vraiment pas elle qui l'a initiée. Je pense que les médecins ont joué un rôle beaucoup plus important que les couturières ou les couturiers. Mais on va retrouver un couturier sur notre chemin qui est Jean Patou. Mmh. Et puis, contre la théorie inverse, consistant à dire, oui, on a compris, c'est les congés payés. Je dirais que à ce moment-là, c'est la théorie populiste ou populaire. Et c'est également inexact parce que, en revanche, dès la fin des années 20, les fameuses élites se sont mises en branle. Et il y a un magazine, d'ailleurs, qui le dit très bien, qui est Vogue, l'édition française de Vogue, qui date comme par hasard des lendemains de la Première Guerre mondiale, parce que ce grand magazine de référence de l'élégance occidentale, pas seulement américaine, et d'origine effectivement anglo-saxonne, mais il publie au lendemain de la Première Guerre mondiale, résultat de cette guerre, résultat non prévu, une édition française qui va devenir évidemment une grande référence, et c'est là que ça se passe. Donc Gabrielle Chanel, Je tempérerai, elle est non-conformiste. Plusieurs photographies la montrent s'exposant au soleil, mais avec des gants, le visage seulement. Oui, vous dites uniquement le visage, en fait, son corps est recouvert. Vraiment, le mouvement, il se passe ailleurs, chez des aristocrates, grandes bourgeoises, françaises, italiennes, américaines, anglaises, plutôt en France d'ailleurs, même si elles viennent d'autres pays, c'est plutôt sur les plages françaises que ça va se passer prioritairement. D'ailleurs, Coco Chanel parle de pudeur, ce qui est un peu paradoxal, mais justement, le puritanisme protestant va freiner devant le dénuement que suppose quand même le bronzage. Donc ça se passera plutôt en France, en Italie, etc. Puis on verra pour d'autres raisons que ça passera, mais hors des plages, également dans les pays germaniques. Donc moi, je tempérerai quand même le rôle de Gabrielle Chanel. Ce qui m'intéressait, c'était de voir que l'historiographie antérieure sur la question avait besoin d'une icône. Ce fut Gabrielle Chanel, bien c'est sûr. C'est ça, en fait. C'est plus pour des besoins méthodologiques, en fait. Oui, absolument. Que par vérité historique. Alors, que s'est-il passé? Vous dites bien dans votre livre, vous distinguez un ancien et un nouveau régime pigmentaire. Alors, donc, ce basculement est peut-être précédé par autre chose. Il y a une vraie histoire du bronzage qui, en fait, remonte avant l'invention du bronzage au XXe siècle. Oui, cet ancien régime, on peut le faire remonter au moins à l'Antiquité, pour ce qui est de l'Occident. D'ailleurs, c'est intéressant de trouver un texte de Sénèque, la 86e lettre à Lucilius, où, au détour d'une phrase, comme ça, mais qu'on a énormément grossi, parce qu'on a tellement peu de documentation là-dessus que bon, on en profite, il indique, mais de façon très donneur de leçons stoïcien, que vraiment, quelle folie aujourd'hui, on essaye à la fois de se baigner et de se haler, pour ne pas dire de se bronzer. Donc on sent bien que dans les élites du début de l'ère chrétienne, mais justement avant que les chrétiens, héritier des stoïciens sur beaucoup de points, comme vous le savez, ne triomphe, il y a eu une petite ébauche de regard un peu plus favorable sur l'exposition au soleil, et puis tout s'est refermé avec le christianisme. Ça, c'est absolument capital. On voit bien que la littérature médiévale valorise, avec l'image de la Vierge qui n'est jamais très loin, le virginal. Et jamais très bronzé. Et qui n'est jamais très bronzé. Sauf les cas de Vierge noire, mais là, c'est pas du bronzage. Valorise, effectivement, la pâleur, signe de virginité. Virginité. Et d'autre part, du côté des mâles qui, eux, s'exposent fatalement, le fait que la femme, et c'est quand même ça qui est capital, l'histoire que je raconte se passe sur le corps des femmes des élites. Et les hommes, bon, essayent de s'aligner sur ce plan-là, mais ce qui compte, c'est d'avoir, j'allais presque dire, en stock, des femmes préservées de l'atteinte, de toutes les atteintes, dont celle du soleil. Et cet ancien régime pigmentaire va tenir bon, mais alors sans bouger d'un iota, jusqu'à la guerre de 14-18. C'est ça qui est impressionnant. Et pourquoi s'effondre-t-il brutalement dans les années 20? Pourquoi? Non, mais d'abord, pourquoi jusqu'à la guerre de 14-18? Pourquoi y a-t-il un basculant à ce moment-là, avant l'effondrement qui suit? Je ne fais pas forcément un lien avec la guerre de 14-18. Je constate que c'est concomitant. Alors, à mon avis, il y a la convergence, évidemment, avec le glissement. Mais là, c'est un glissement insensible. Pourquoi, à ce moment-là, ça serait précisément à ce moment-là? Ça a commencé dès le 19e siècle, vers des références négatives qui ne sont plus le paysan, j'allais presque dire le plouc, quoi, qui évidemment est couvert de coups de soleil, et la femme du paysan, qui est vraiment à mettre à distance de ses élites. Eux sont allés même plus que ça. Bon, ils sont basanés. Bon. Et il s'agit de s'en distinguer. Et on passe insensiblement à un autre régime de distinction sociale par rapport à une société urbaine, où effectivement, le groupe social dont il faut se distinguer, c'est celui des ouvriers ou des employés. Je dirais cachet d'aspirine. Donc on sent bien que tout est en place. Mais pourquoi n'a-t-on pas commencé à basculer en ce qui concerne le rapport au soleil dès les années 1850? Parce que ce que je viens de décrire, c'est qu'il y a effectivement une culture chrétienne, une anthropologie qui n'est pas spécifiquement chrétienne, mais disons occidentale, qui valorise le clair. Ça, c'est absolument évident. Et ce qui va changer, c'est le discours médical. Ceux qui sont vraiment à la manœuvre, ce sont les médecins. Les médecins du groupe de la médecine naturelle, qui commencent à dire, en réaction face à la médecine, au fond, moderne, façon Axe, Claude Bernard, Louis Pasteur, qu'il faut conserver, voire revenir aux fondamentaux des grands éléments, d'où le fait que l'héliothérapie, qui va donc commencer à se développer dans les années 1900, 1910, là on rejoint cette chronologie, l'héliothérapie va caler son discours sur l'hydrothérapie. On a commencé par l'eau en disant mais on peut soigner pas mal de maladies en utilisant de façon intelligente le bain aquatique. Et c'est pour ça que nous avons conservé la formule bain de soleil, d'ailleurs. Et ce raisonnement par l'eau va glisser insensiblement vers le soleil. Et ça, c'est complètement indépendant des autres considérations. Au fond, les médecins, surtout les médecins de médecine naturelle, se révèlent comme, eux, les vrais leaders d'opinion. Donc c'était d'abord une thérapie. C'est d'abord, pour beaucoup, une thérapie. C'est une thérapie en particulier contre la maladie du siècle à l'époque. Vous savez que maintenant, on a une bonne historiographie de ça. Vous avez des maladies qui sont les grandes maladies de telle ou telle génération. On le sait pour le sida, on l'a su pour le cancer. Avant, vous aviez la tuberculose. Et la tuberculose fait l'objet de discours, alors bien sûr médicaux, mais aussi de discours quasiment prophétiques, de discours architecturaux. Le Corbusier, une bonne partie des gens dont je parle sont des Suisses alémaniques, romans, sont des Allemands, des Autrichiens. Il y a toute une Europe centrale là qui est très préoccupée par le rapport au soleil, le soleil qui guérit. Et c'est pas étonnant si Le Corbusier en est complètement l'élève. Et cette société-là, ce groupe-là, va faire du soleil un élément de solution d'une bonne partie des problèmes sociaux, au fond, en tous les cas d'abord sanitaires, et à commencer par la tuberculose, d'où l'invention du sanatorium, les années 1860 en Allemagne, du préventorium, de l'aérium, du solarium, etc. Et aujourd'hui, on sait fort bien que c'est entièrement faux, parce que c'est la streptomycine qui, dans les années 40, a guéri la tuberculose, pas l'exposition au soleil. Mais peu importe, vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup en météorologie de la température ressentie. Ce qui compte, c'est le ressenti. On pensait, dans beaucoup de milieux médicaux et donc extra-médicaux, que la tuberculose pouvait être efficacement combattue par l'exposition au soleil. Mais ça veut dire, si je vous suis, que le discours, pas juste thérapeutique, mais positif à l'égard du soleil, on parlera de Camus demain. Et Camus dit qu'il a vécu dans la misère, mais que le soleil l'avait empêché de souffrir de cette misère. Les vertus du soleil sont indiscutées, elles semblent universelles. Et ça veut dire que même cette idée-là est récente et moderne, qu'on n'a pas toujours tenu le soleil comme étant quelque chose qui fait du bien. Ce que je distingue rapidement dans mon livre, c'est ce que j'appelle peut-être pompeusement logos, mythos et praxis. Le logos, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des savants avec un grand S qui vous disent, voilà, moi qui détiens la vérité, je vous apprends que le soleil peut vous guérir. Et ça, évidemment, c'est assez tétanisant et certains suivent. Une partie des débats entre pédagogues dans les années 1900-1910, hein, toujours ces fameuses années, portent là-dessus. Porte sur le dénudement et l'exposition au soleil. Ça va conduire d'ailleurs à une architecture, en dehors même du cas de Le Corbusier, scolaire, fondée sur l'irruption du soleil par de vastes fenêtres, etc. Et c'est typique des années 30. Hein. Le Bauhaus ne se comprend pas sans ça. Et un certain nombre d'architectes qui travaillent pour l'éducation nationale, dans les cités-jardins, etc., sont exactement sur la même position. Ça, c'est le logos. Le mutos, ce sont ceux qui vont raconter des histoires autour de ça, les journalistes, effectivement, les écrivains à la mode, Paul Morand et compagnie. Et puis, la praxis, c'est que effectivement, vous avez des industriels qui vont fabriquer les huiles et les crèmes qui correspondent à cette demande, etc. Et tout ça va aller d'un certain pas dans la même direction. Et incontestablement, c'est il peut y avoir... C'est une fabrication, c'est ça que vous dites. Oui, c'est tout à fait. Tout ça est fabriqué. C'est fabriqué par la société. Moi, alors, c'est pas du tout péjoratif dans mon esprit. Hein. C'est construit. Dire tout est construit, ce qu'ont tendance à dire les culturalistes, dont je fais partie, ça n'est pas du tout associé à un jugement de valeur. Parce que ça supposerait qu'il y ait une authenticité quelque part. Je voudrais bien qu'on me la montre. C'est pas moi qui le ferai, en tout cas. Vous avez parlé de Paul Morand et des crèmes aussi qui sont développées à cette époque. On va parler des deux. On commence par Paul Morand. Ne devrais-je pas confesser qu'il y a 35 ans, j'étais tout fière d'avoir traduit dans des livres ou des poèmes le crawl et le plongeon, que je n'ai vécu que pour l'eau et le soleil aux dépens de ma vie sociale, morale, sentimentale, administrative, toutes mes vies, que l'eau et le soleil furent pour moi une façon d'opium? À présent, je contemple avec effroi la caricature à des millions d'exemplaires de mon personnage. Pour ma punition, gère dans ces villes de toile qui ourlent désormais la frange de tous les rivages européens, comme dans un monde après la bombe. En vain les propriétaires du rivage brandissent-ils un dérisoire écriteau, chemin privé ou chasse gardée? Ils sont emportés par le raz-de-marée des nudistes en vacances. C'est l'inflation du plaisir universel dans le cauchemar d'un salon nautique permanent. Les canaux pneumatiques gonflables et les radeaux en plastique ajoutent à l'impression d'un naufrage planétaire. Ces peaux négressantes sur le sable blanc sont comme des négatifs. Le négatif d'une civilisation récusée. La terre entière devient océanienne. Elle va dire, comme Gauguin à Tahiti, « J'ai pris l'habitude de marcher nu. Je commence à posséder le caractère océanien. » Ces corps allongés côte à côte sur les plages, qui font penser à des poulets cuits en série à l'ultraviolet, cachent-ils du moins des cœurs heureux ? Est-elle vraie, leur pureté édénique ? Bain de mer, bain de rêve, c'est le titre de ce texte écrit par Paul Morand en 1960. Paul Morand qui fait partie de la première vague des baigneurs, hein, qui dans l'entre-deux-guerres a profité, même mis au goût du jour, les plages qu'il affectionnait particulièrement. Et puis, plus le temps avance, et plus il commence à être critique à l'égard de ces plages qui se remplissent chaque jour de plus en plus de ces baigneurs qu'il décrit ici avec une ironie mordante et très drôle. Hein, le texte était lu par Chloé Réjon. Il y a cette référence à l'authenticité dont vous parliez, Pascal Horry, à la fin. Hein. Est-elle vraie leur pureté édénique ? Mais là, il se moque de ceux qui regardent les bronzeurs et qui pensent qu'il y a quelque chose de vrai qui se révèle sous le soleil. C'est un très beau texte, mais qui témoigne d'abord de l'évolution de Paul Morand. Il le dit lui-même, il y a 35 ans, donc si je calcule bien, ouais. 1925, c'est le premier Morand. Il y a sur beaucoup de questions un Morand 1, un Morand 2. Par exemple, son regard sur les étrangers a quand même changé. Oui. Il avait une réputation d'écrivain cosmopolite en 1925, beaucoup moins en 1945. Il vaut mieux être ami avec le Morand 1, si on parle des étrangers, ça c'est sûr. Et c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire... on en retrouve d'autres parmi les médecins naturistes des années 20, un certain Carton par exemple, qui est très officiellement naturiste, qui a mis en avant cette formule et qui est dans un premier temps favorable à l'exposition au soleil, en particulier des jeunes enfants tuberculeux, une fois de plus, et pour d'autres maladies, allons-y. Et puis qui recule progressivement dès la fin des années 20 et dans les années 30, parce qu'au fond c'est un puritain, et il voit bien que ça s'accompagne d'un dénudement hédoniste, alors là il est absolument contre. Dans le cas de Morand, c'est plutôt de l'élitisme, du style, quand c'était Gabriel Chanel et moi, très bien, maintenant que ce sont les grands... L'inflation du plaisir universel dans le cauchemar d'un salon nautique permanent. Voilà, donc... C'est bien le plaisir qui lui pose problème, hein, quand oui. Il est à échelle universelle. Tout à fait. Mais en même temps, bon, c'est pour un historien, c'est un témoignage très intéressant de quelqu'un qui a participé de ce mouvement façon Vogue et qui ne se reconnaît plus quand, effectivement, François est sur les plages. Et ce type de document comme ce texte de Paul Morand, est-ce qu'on en trouve beaucoup à cette époque ? Est-ce que beaucoup d'écrivains ressaisissent dans leur texte cette réalité qui est en train de se développer ? Alors, la manière dont on se moque dans les années 60 de la vulgarisation, popularisation, massification des vacances, c'est presque un topos. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre d'humoristes qui en profitent pour considérer, des dessinateurs par exemple, que effectivement les vacances sont devenues une industrie. C'est l'apogée d'ailleurs du bronzage. Parce que mon livre portait sur l'invention, c'est-à-dire sur ce moment étonnant, je persiste à dire, révolution culturelle, où on passe à l'adoration du soleil, alors que depuis 2000, peut-être 3000, 4000 ans, on le mettait à distance, mais ça correspond à peu près au moment où, effectivement, on est au sommet d'une certaine forme de vacances de masse, d'ailleurs les bronzés, le club méditerranéen, etc. Donc Morand a vécu assez longtemps pour pouvoir parler de ça. Il n'en reste pas moins que c'est une affaire up to bottom. Mm-hmm. C'est parti des élites, incontestablement. Simplement, je suis frappé de ce que c'est popularisé assez vite. Prenez le cas d'un grand industriel, aussi... politique, il l'a prouvé à plusieurs reprises, qui s'appelait Eugène Schueller, fondateur d'une grande entreprise de cosmétiques toujours présente dans l'espace non seulement français mais mondial. C'est lui qui a lancé Ambre Solaire. Et certains historiens rapides ont dit, bon, Ambre Solaire, on a compris, derrière la mode du bronzage, il y a un certain nombre d'entreprises. Non, ce sont des suivistes. Schueller a compris qu'il y avait un basculement. Lui, qui est chimiste de formation, il fait travailler son laboratoire qui sort la première version de Ambre solaire en 1935. Oui, ça c'est fou. Voilà, ça tombe très bien pour lui. Juste avant les congés payés. Effectivement, le phénomène des congés payés pour la France, mais plus généralement, le développement des loisirs balnéaires de masse survient pile pour amplifier le phénomène. Vous prenez par exemple Elisabeth Arden ou Elena Rubinstein, elles sont complètement surprises par ça. Elles multipliaient dans leurs catalogues, je me suis plongé aussi dans les catalogues de ces instituts de beauté, vous savez, c'est une formule qui fait réfléchir, institut de beauté. Elle a été inventée en France par une concurrente moins connue, l'Institut Clitia. Et les instituts de beauté, jusqu'en 1927 pour être précis, 27-28, allez, ne chicanons pas, ne comportent que des produits destinés à repousser le soleil à distance, hein, se protéger comme on se protège avec des voilettes, des survoilettes, des caplines, tout ce qu'on veut. Et quand elles voient arriver ça, elles sont complètement décontenancées. Elles deviennent schizophrènes, c'est-à-dire les catalogues de ces instituts de beauté pendant 10 ans produisent des produits, justement, parce que c'est ça le produit, complètement contradictoire. Il y a encore des pages qui sont consacrées à mettre à distance le soleil, et puis il y a déjà les premiers produits bronzants. Bon, c'est... mais alors que s'est-il passé? En fait, vous n'avez pas répondu à ma question. Comment ce basculement s'est-il fait? Parce que le christianisme est toujours présent. Les élites n'ont pas le pouvoir suffisant d'influencer à ce point le reste de la société. Les congés payés n'expliquent pas à eux seuls ce basculement. Le marketing n'est qu'un effet, dites-vous, et pas la cause. Alors pourquoi si vite? Ah mais je pense que le discours médical, c'est capital. Alors c'est vraiment le médical. Oui, parce qu'il perfuse dans les magazines féminins, par exemple. Ça se voit très bien après la Seconde Guerre mondiale, où là, le triomphe est intégral. Si vous dépouillez non pas Marie-Claire du coup, mais elle, on s'abrite derrière les médecins, qui vous disent que effectivement c'est très bon pour la peau, contrairement à ce qu'on pensait jusque-là, etc. Bon, il y a ça. Et puis d'autre part, il y a le fait que vous avez une société qui s'encourage à se dénuder, parce que c'est quand même important. Pour bronzer, si on ne veut pas être simplement quelqu'un qui a le visage en effet hâlé, mais si on veut de façon presque systématique bronzer son corps, le faire ressembler à une statue de bronze, ce qui est typique des langues latines. Les Anglais sont plus pragmatiques, hein, ils parlent de tannage. Les Allemands parlent de brunissage. Mais les cultures latines, sur le modèle français, hein, c'est la France qui a lancé la formule, parlent de bronze. Bronze. Quand même, c'est très esthétique. La noblesse minérale. Et à ce moment-là, il faut se dénuder. Et on se dénude, par exemple, par le sport. C'est pour ça que, plus important que Gabriel Chanel, il y a Jean Patou. Parce que Jean Patou. Alors, Patou est le symétrique masculin de Chanel, un innovateur des années 20, mort prématurément en 36, ce qui n'est pas le cas de Coco, qui passe avec un peu de retard sur Coco, mais quelques années seulement, au parfum aussi. C'est l'homme du sportswear. C'est l'homme dont l'égérie, dirait-on aujourd'hui, est tout simplement Suzanne Lenglen. C'est-à-dire une des premières grandes femmes sportswoman. Dont d'ailleurs les photographies montrent que c'est une véritable danseuse. Enfin, c'est de la chorégraphie, le tennis de Suzanne Lenglen. Et c'est un homme absolument extraordinaire en ce qui concerne le parfum. Il a été à l'origine du premier parfum unisexe qui s'appelait Le Sien. Il a lancé en 36, juste avant sa mort, un parfum qui s'appelait Vacances. En pleine crise économique, en pleine depression, il lance un parfum Joy, qui existe encore vaguement aujourd'hui, avec comme slogan le parfum le plus cher du monde. C'est un tabac, évidemment, c'est un tabac. Et c'est lui qui invente, dans l'histoire du monde, la première huile bronzante, l'huile de Caldé en 1927. Et là, on a le signe. Or, Patou, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est à l'affût de la modernité chez les jeunes femmes dynamiques et quand même bien loties de son entourage. Parce que l'histoire de l'invention du bronzage est aussi l'histoire d'une émancipation féminine. Mes chères auditrices, mes chers auditeurs, quel dommage que vous n'ayez pas vu, comme Simone, comme Jacques et comme moi, les visages charmants des héroïnes d'opérette. Certaines avaient le teint chaud des latines, d'autres la blancheur transparente des princesses du Nord, mais toutes, et c'est ce qui les rendait si jolies, avaient le teint mat. Croyez-moi, madame, la mode a beau revenir aux cheveux relevés, les belles madames de 1900 qui se faisaient émailler le visage paraîtraient aujourd'hui ridicules. L'habitude du grand air et du sport nous fait trouver plus belles, et combien plus désirables, les femmes qui ont le teint mat. Mat comme un beau fruit sain, mat comme un pétale de rose. Il y a une crème qui vous donnera ce teint mat et velouté, c'est la crème Simon M.A.T. Vous devez la voir sur votre table de toilette dans son pot noir capuchonné d'argent. Vous en servir à chaque fois que vous devez sortir ou recevoir. Placée à côté du pot blanc de crème Simon, elle complétera votre arsenal de beauté. Simone doit son teint mat à la crème Simon M-A-T. Crème Simon M-A-T, les deux amis de ma beauté. Les deux amis de votre beauté. Et oui, en 1938, les réclames duraient 1 minute 42 et on pouvait dire aux femmes ce qu'elles devaient faire. Le terme est employé, on n'imaginerait même pas ça aujourd'hui, Pascal Horry. On y entend à la fois l'importance pour la femme d'être bronzée, mais le bronzage, puisque c'est une crème auto-bronzante, on dirait aujourd'hui, est dissocié du soleil. Alors déjà une petite remarque, ça se termine par le mot « votre beauté », c'était ouais. Peut-être connoté parce que le magazine que venait de lancer Schueller s'appelait « Votre beauté ». Donc à mon avis, c'est déjà du subliminal publicitaire. D'ailleurs, Schueller était associé à Marcel Bleustein, futur Bleustein Blanchet, qui avait déjà créé l'entreprise Publicis et qui a développé sur les ondes de la radio, donc c'est peut-être... grosso modo, ça qu'on vient d'entendre, une campagne publicitaire autour d'Ambre Solaire qui devait reprendre à peu près les mêmes termes. Oui, c'est-à-dire qu'il s'agit de désormais se rapprocher du hâle parce que le hâle est devenu positif. Mais dans le texte qu'on vient d'entendre, qui est tout à fait intéressant, pas moins, ni plus peut-être, mais pas moins que celui de Morand. Pas le texte, la pub, la réclame. Voilà, c'est ça, Louis Merlin, présentateur radio en 1938. Ah, c'est Louis Merlin. Mais oui. Louis Merlin qui sera directeur d'Europe 1. Ah bah vous après voyez, la guerre, tout commence directeur avec des le programmes d'Europe 1. Voilà. Europe 1 qui est une grande révolution dans l'histoire de la radio, puisqu'on est ici à la radio, et aussi de la publicité. Donc, ce qui est clair, c'est que dans ce texte, on dit qu'une femme est désirable parce qu'elle est allée. Mais 100 ans avant, on disait une femme est désirable parce qu'elle n'est surtout pas allée. Donc, effectivement, tout est relatif. Mais pourquoi est-ce que on a basculé? Parce que le sport, effectivement, la médecine, mais aussi des formes d'émancipation féminine qui supposent que le corps féminin s'expose au soleil et peut-être au regard, tout simplement, et fatalement au regard, beaucoup plus que dans les générations précédentes. Il suffit, là, pour le coup, de suivre l'iconographie des bains de mer. Bon, les bains de mer ont joué un rôle évidemment essentiel dans cette histoire. Les bains de mer, confère ce que je disais tout à l'heure sur l'hydrothérapie, sont supposés être bon pour la santé. L'association santé-beauté, il ne faut pas croire qu'elle est de 2019, elle est de toute éternité, on la trouve même dans l'Antiquité. Et là, ces bains de mer supposent le dénudement du corps féminin, du corps masculin, par voie de conséquence, mais c'est le corps féminin qui donne le ton. Par ailleurs, les femmes ont franchi des pas incroyables, avec en particulier la coupe de cheveux, sur laquelle d'ailleurs on a dit parfois certaines sottises, la coupe de cheveux n'est pas liée au travail féminin de la guerre de 14. Elle a commencé avant, justement, dans des milieux d'avant-garde, en particulier à Paris. Là aussi, le rôle de la France, parce que l'élégante de référence, c'est quand même l'élégante française en 1900, 1910, peut-être un peu aujourd'hui, moins quand même. Vous avez la coupe à la Jeanne d'Arc, un soupçon d'androgynie qui devient mode. Une façon de se révolter contre les règles environnantes. Et d'ailleurs, c'est au sortir de cette décennie 10 que Antoine, le grand coiffeur de référence, publie la première coupe de cheveux courts féminines. Or là, il y a un enjeu qui n'est pas anecdotique. On monte à Saint-Paul, je citais Sénèque tout à l'heure, son contemporain, après tout, Paul de Tarse, dit clairement dans une épître que la pudeur des femmes, pour reprendre la question de la pudeur évoquée tout à l'heure par certains, la pudeur des femmes, elle est protégée par ses cheveux longs. Pourquoi, dixit Saint Paul, parce que les cheveux, c'est le voile de la femme. Vous voyez que l'importance de l'enjeu. Et donc se couper les cheveux à partir, j'allais dire, de 1919, c'est une grande rupture. Au même moment, comme on le sait, les jupes acceptent d'être courtes. C'est pas la première fois, hein, elles l'ont été avant, mais le fait que ce soit accompagné par la pratique du sport, avec des nageuses incroyables comme Adette Kellermann qui se bat victorieusement pour imposer le maillot moulant pour les femmes, ça paraît complètement dérisoire, mais ça va très loin, que les cheveux sont coupés, ben il est évident qu'il y a là quelque chose d'une émancipation parallèle à des formes d'émancipation évidemment politiques. Mais tout ça va du même pas. Mais dans quelle mesure les femmes sont-elles à l'origine, à l'initiative de ces changements? C'est difficile à dire. Ce qui est clair, c'est qu'elles sont là où il le faut. Par exemple, prenez le cas de Suzanne Lenglen. Elle n'a pas demandé à Patou ou à d'autres d'être son égérie. Elle a suivi Je crois que le sport féminin, sur ce point-là, est quand même capital. Il est minoritaire, on le voit bien en ce moment avec le succès des Bleus, mais quand même, il existe. Et il fait scandale, et il fait, dirait-on aujourd'hui, le buzz. Donc, effectivement, Annette Kellerman, c'est tout à fait ça. Je pense que le sport féminin a joué un rôle. C'était une manière parmi d'autres des femmes d'occuper des terrains qui, jusque-là, étaient exclusivement réservés aux hommes. Et par ailleurs, vous avez effectivement... Ça, c'est encore un rapport hiérarchique entre hommes et femmes à cette époque et pendant quelques autres générations. Des gens comme Poiret, quand il prône vers 1906 le rejet du corset, et d'ailleurs le rejet du corset, il ne faut pas exagérer, on le remplace par la gaine, mais quand même. Jean Patou, quand il met en avant le sportswear, ce sont des hommes, incontestablement, et ils occupent le devant de la scène, mais on pourrait dire, à la limite, ils se servent des femmes, en tous les cas, ils servent aussi quand même quelque part les femmes en disant, mais libérez-vous, alors libérez-vous, bon, pas forcément en prenant la Bastille, hein, mais libérez-vous des contraintes du, ce qu'on appellerait aujourd'hui sociétal. Et moi, je considère que c'est pas secondaire du tout. Ah bah non, mais personne, enfin, en tout cas personne à ce micro ne considère cela comme étant secondaire. Oui, mais dans d'autres endroits peut-être. Que les libérations du social. Bah, que les vraies conquêtes seraient du, entre guillemets, politique. À mon avis, les deux sont liés et le politique est parfois précédé par le sociétal. Justement, on va voir comment la peau elle-même, puisqu'on l'a dit en début d'émission, hein, parler du bronzage, c'est parler d'une certaine conception de la peau qui peut évoluer, peut devenir le lieu d'un enjeu politique. On va d'abord écouter une archive de François Dagonet. C'est en 1993 qu'il réfléchit à cette ambivalence de la peau qui à la fois retient ou détermine un corps et en même temps le met à nu devant le regard des autres. Et puis ensuite un texte de Mishima, Le soleil et l'acier, dans lequel il reprend la distinction que vous avez faite en début d'émission, Pascal Horry, entre le cliché de l'intellectuel blanc et mou et le sportif bronzé et vif, pour montrer comment le bronzage peut-être vient flouter à nouveau ces distinctions. La peau a ce privilège d'être la partie du corps la plus visible. La plupart des autres organes nous échappent. Celui-là, au moins, il est à ciel ouvert. C'est comme mon cœur mis à nu, c'est la peau à nu. Donc, automatiquement et nécessairement, il doit solliciter l'attention du fait de sa visibilité qui entraîne sa lisibilité. Et en même temps, l'intérieur est à l'extérieur, puisque toute la personnalité, toutes les fonctions organiques, toutes les physiologies et toutes les pathologies se projettent sur la peau où elles se manifestent. Les œuvres écrites ou offertes au public vers 1945 étaient dominées par des pensées nocturnes. Petit à petit, je ressentis une incertitude à propos de cette nuit à laquelle je m'étais fiée tellement pendant la guerre. Et le soupçon me vint que, tout au long, j'aurais pu frayer avec les adorateurs du soleil. On pourrait objecter à cela que la pensée appartient essentiellement à la nuit, que créer avec des mots ne peut s'accomplir que dans la fièvre obscure des nuits. Il est vrai que je n'avais pas encore perdu mon ancienne habitude de travailler jusqu'aux petites heures du jour, et j'étais entourée de gens dont la peau portait le témoignage indubitable de leurs habitudes de pensée nocturne. Pourquoi donc faut-il que les hommes recherchent les profondeurs, l'abîme? Pourquoi faut-il que la pensée, tel un fil à plomb, s'inquiète exclusivement de descente verticale? Pourquoi n'était-il pas possible que la pensée change d'orientation et se mette à grimper verticalement, vers le haut, vers la surface? Pourquoi faut-il dénigrer l'air de la peau qui garantit l'existence dans l'espace d'un être humain, la livrant à la merci des sens? Le soleil incitait mes pensées, presque en les arrachant, à se détacher de leur nuit de sensations viscérales, pour suivre le gonflement des muscles sertis sous le hâle de l'épiderme. Le voici qui m'ordonnait d'édifier une demeure nouvelle et robuste, où mon esprit, à mesure qu'il s'élèverait peu à peu vers la surface, pourrait vivre en sûreté. Cette demeure, c'était une peau bronzée et luisante, des muscles puissants, délicatement ondulés. Magnifique texte de Yukio Mishima, donc Le soleil et l'acier, 1970, ici lu par Chloé Réjon. Le soleil incitait mes pensées presque en les arrachant à se détacher de leur nuit de sensations viscérales pour suivre le gonflement des muscles sertis sous le hâle de l'épiderme. On dirait un éloge, des louanges qui sont tressées et chantées en faveur du bronzage qui finalement, par l'exposition au soleil du corps que le bronzage induit, permet d'avoir de nouvelles pensées. Il y a quelque chose de créateur là, dans cette exposition, Pascal Horry. Tout à fait, et une partie des avant-gardes de l'entre-deux-guerres se reconnaîtrait complètement dans ce texte beaucoup plus tardif de Mishima. Ça se manifeste de façon extrême, radicale, mais la radicalité est quand même très significative d'un mouvement plus en profondeur dans n'importe quelle société, dans le nudisme, et qui se développe toujours à partir de cette Europe germanique, autrichienne, romande, alémanique, etc. Et qui, politiquement, puisqu'on sait que Mishima a également un regard politique et qu'on peut, de ce texte, tirer, peut-être, en extrapolant un peu, des conclusions sur, par exemple, sa nostalgie d'un Japon idéal, de samouraï détruit par la modernité. Bon, passons. Et les circonstances de sa mort peu de temps après avoir écrit ce texte le confirment. Mais dans les années, toujours, 10, 20, 30, vous avez un nudisme d'extrême droite, aussi bien qu'un nudisme d'extrême gauche. C'est ça qui est très intéressant. Parce que c'est forcément politique, c'est ça que vous dites. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que si on corrèle, Mishima m'y encourage, c'est pour ça. Oui, oui. Merci pour me faire découvrir ce très beau texte. À un discours que je qualifierais de politique, ce qui n'est pas péjoratif dans ma bouche, hein, c'est la cité. Écoutez, prenez le nudisme, qui a évidemment un rapport avec l'invention du bronzage. Vous aviez aussi bien en Allemagne ou en Suisse, alémanique, italienne, Monteverita, un nudisme d'extrême droite qui va rejoindre le nazisme, on peut imaginer comment. Il y a quelque chose, effectivement, d'une virilité conquérante, très à la grecque d'ailleurs. Il ne faut pas oublier que l'antiquité qui fascinait Hitler, ce n'était pas l'antiquité romaine, c'est l'antiquité grecque. Ça a été bien montré par Johann Chapoutot. Et d'autre part, par exemple, un nudisme d'extrême gauche libertaire, comme Monteverita. Donc il y a un moment où il s'agit bien sûr d'une petite élite, mais vous avez des corps, mais aussi des cerveaux, qui considèrent que ce corps, ça doit être vraiment ce autour de quoi va graviter la vraie réforme. Alors, ce qu'on appelle souvent d'ailleurs la réforme de la vie, hein, en allemand, voire la révolution. C'est ça, c'est qu'en fait, c'est pas juste le corps, là, c'est l'utilisation de la peau qui devient presque un outil révolutionnaire. En tous les cas, la peau figure une réforme plus fondamentale de la totalité du corps, et ce corps qui jusque-là est le corps, pour certains, franchement dégénéré, pour d'autres simplement fatigué par, d'ailleurs, le travail industriel, mais aussi l'abêtissement intellectuel, ce corps va être ressuscité, et les régimes totalitaires, d'ailleurs, vont se servir de ce discours, vont tous avoir une politique sportive extrêmement volontariste. Quand retombe l'effet de mode du bronzage ? Alors, on pourrait penser qu'à partir des années 70, j'ai développé ailleurs la théorie suivant laquelle le monde dans lequel nous vivons là ce matin, en 2019, vient du milieu des années 70, la révolution de 1975, mais ça il faudrait le développer longuement, ça fonctionne pour le bronzage aussi. On sent bien qu'il y a quelque chose qui vacille. Alors là aussi vous avez une avant-garde, qui n'est pas du tout l'avant-garde Vogue, c'est l'avant-garde punk, qui à partir des années 75, hein, les Sex Pistols, c'est 75, va mettre en avant, mais évidemment, je prends l'exemple des punks parce qu'ils sont significatifs de toute une génération non conformiste. Et palote, voire, alors franchement, livide. Ça, c'est évidemment du non conformisme, puisqu'on communie un peu partout dans le bronzage en Occident. En Occident, parce que pendant ce temps-là, au Japon, en Chine, dans les pays d'Afrique subsaharienne, la question c'est d'être le plus clair possible et de se préserver. Mais continuons à parler des Occidentaux qui donnent le ton, au moins pour l'Amérique et l'Europe, disons. Il est évident que les punks se révoltent contre une bonne partie de la société, y compris sur la question de l'apparence physique. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au même moment, c'est pile exactement les mêmes années, ressurgit, après également des milliers d'années de mise à distance, le piercing, le perçage et le tatouage. Donc il y a une vraie révolution corporelle. Est-ce que le piercing existait dans l'Antiquité ? Bien sûr, mais dans certaines sociétés. Ce qui est important, c'est la légitimation du piercing et du tatouage, désormais même au cœur de l'Occident. C'est ça qui est important. Ah oui, c'est, d'accord, vous voilà. Parlez, d'accord. Et donc, effectivement, c'était absolument inimaginable. Ça me paraît beaucoup plus net, beaucoup plus pertinent que l'effritement de la référence au bronzage, qui n'est pas un retour à 1910, c'est-à-dire qu'on n'est pas revenu à la situation de 1910. Clairement, nous sommes, comme le disait un sociologue très discuté par ailleurs, Maffezoli, une des cultures de tribus. Donc vous avez toujours aujourd'hui, en Occident, des tribus de bronzés. bronzante. Sinon, on ne comprendrait pas pourquoi il y a autant d'instituts de bronzage à travers cet Occident. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a trois fois plus en Italie qu'en France. C'est quand même troublant. Et encore beaucoup plus en Allemagne. Donc, il y a des cultures nationales derrière tout ça. Et là, la vogue est loin d'être complètement retombée, même si vous avez eu des affaires significatives en Australie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler en 2007, dans mes souvenirs, de l'affaire de Claire Oliver, qui est morte d'exposition au soleil, alors qui a un peu mis en scène son agonie, mais c'était une jeune femme d'une vingtaine d'années. Hein. Les médias en ont énormément parlé. Qu'est-ce qu'a fait d'abord, je crois, le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud, puis tout le gouvernement australien, interdire immédiatement les cabines de bronzage. Donc, on sent bien que, regardez la position des dermatologues aujourd'hui. Oui, c'est ça, c'est à nouveau pour des raisons médicales. Ah oui, que bien la entendu. Conception du bronzage bien a changé aujourd'hui. Toujours. On s'en méfie, mais. Mais il n'en reste pas moins que la référence au bronzage continue à fonctionner dans les magazines féminins standards. Ce qui me paraît intéressant, c'est que désormais, vous n'avez pas une tendance dominante. Alors que jusque dans les années 1910, vous aviez une tendance écrasante. Le simple fait d'avoir des taches de rousseur vous mettait vraiment dans l'embarras. Et ensuite, vous aviez la tendance dominante inverse. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Je pense qu'on est vraiment, dans ce domaine comme dans tous les autres, devant des cultures éclatées, tribales, des cultures de niche. Bon, on reste quand même, enfin, les unes de magazines, puisque c'est quand même un des éléments de recherche pour votre travail d'historien, il reste quand même des femmes bronzées. Oui, mais beaucoup moins. Le bronzage. Le discours sur mais on sait qu'il est dangereux. Oui, le discours sur les dangers se fait plus entendre, parce que il y a toujours eu, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce que une société veut entendre? Le discours sur le danger du soleil a toujours existé. Mais toujours existé. On avait fait déjà le lien dans les années 1910, là. C'était assez bien documenté. La société ne voulait pas l'entendre. Les sociétés ont toujours raison, Adèle Van Rett. Les sociétés ont toujours raison. Qu'est-ce que ça veut dire? Toutes les sociétés? Toutes. C'est-à-dire qu'elles mettent leurs intérêts avant tous les types de discours. Par exemple, un autre type d'exemple où la société aurait raison et ne veut pas l'entendre. Mais c'est pas qu'on peut pas l'entendre, c'est qu'elle a toujours raison, il faut la prendre au sérieux. C'est que la majorité a raison, c'est ça que vous dites? C'est dangereux. Voilà, c'est pas une question de majorité. La tendance profonde d'une société peut être plus ou moins mesurée, mais c'est pas la question. Elle est repérable, elle est analysable. Et donc, si elle va dans une certaine direction, c'est qu'évidemment, elle y trouve des intérêts. Et ces intérêts ne sont pas des intérêts simplement matériels. C'est un peu comme dans l'interprétation, là, disant, oui, on a compris, pour le bronzage, ce sont les intérêts des entreprises, façon L'Oréal, etc. Non. Donc la mode du bio, par exemple? Oui. C'est la même chose. Oui, même oui, c'est, bah, oui bien entendu. Et elle va s'accentuer. Parce que, bien entendu, à partir du moment où vous avez en perspective le désastre au sens étymologique, c'est-à-dire trouble dans les astres écologiques qu'on nous annonce, bien, les sociétés vont de plus en plus fonctionner dans le sens de ce qu'elles penseront être leurs intérêts. Mais moi, je ne suis pas un donneur de leçons. Je constate. Je vois comment ça marche. Peut-être que ces sociétés, à un certain moment, vont dans le mur avec enthousiasme. Et que c'est dans leur intérêt. Elles vont vers les guerres mondiales, vers les génocides avec un extraordinaire enthousiasme. Oui, mais c'est pas moi. Oui, donc c'est pas avoir raison, parce que ça impliquerait qu'il y ait non, mais une autre avoir qui aurait raison, tort. Mais parce que je ne vois pas quelles sont les autres raisons. Voilà. Mais ça, c'est une. Elles ont leur raison. Mmh. Elles ont leur raison qui est la raison d'une société. Et vous aurez sans doute toujours, vous aurez fatalement toujours des minoritaires, des non-conformistes. La question est de savoir s'ils l'emportent sur des objets moins secondaires, quoique je ne les considère franchement pas comme secondaires, comme le bronzage, c'est la même chose. Parfois, ces avant-gardes l'emportent, mais le nombre des avant-gardes qui n'ont abouti à rien est bien supérieur. Bien supérieur. On va se quitter avec un dernier son pour le plaisir, Pascal Horry, on ne l'a pas encore entendu. C'était en 1925, Josephine Baker revendique le fait d'avoir été l'une des premières femmes à arborer un teint mat et d'avoir ainsi lancé une mode. Quand je suis arrivée en France 1924, comme vous le savez, c'était la mode de les femmes. Des femmes étaient très blanches, de peau jolie et pâles. Toutes les femmes étaient roses, roses pâles avec le poudre de riz tout à fait blanche pour se rendre encore plus blanche que c'était la peau naturelle. Et moi, je suis arrivée en en diable, disons-nous. Et j'ai fait avec la coupe des cheveux à la Gascogne, que c'est de nouveau à la mode aujourd'hui. La peau bronzée et les pauvres malheureuses femmes étaient obligées de rester au soleil pendant 3 ou 4 mois pour se faire tanner la peau. Et souvent, c'était malheureux parce que les médecins étaient obligés de revenir, d'intervenir pour leur santé parce que ça les rendait malades ou brûlés ou les poumons malades. Enfin, beaucoup de choses qui n'étaient pas tout à fait bien pour eux au point de vue santé. Mais tout de même, elle voulait à toute force être bronzée. Josephine Baker a-t-elle causé une petite révolution à son arrivée en France, Pascal Horry, comme elle le prétend? Ah, c'est certain, et en tous les cas, elle est absolument dans la problématique de l'invention du bronzage, parce que les adversaires du bronzage l'ont cité comme exemple à ne pas suivre. On comprend bien les connotations racistes de ce discours. Merci beaucoup, Pascal Horry, d'être venu nous parler de bronzage ce matin. Votre livre s'appelle « L'invention du bronzage », on le trouve en Flammarion dans la collection Champs. On se quitte avec « Mr. Big Sun ». Element of dipping in the marmalade, but it's sour like a lemon in the melon and not vanilla chocolate. The second I'm alone, there's a devil at the door of a house making a home, coming up out of a hole. I sit there on my phone with a neck and cheekbone and a head out of his own. Opportunity stopping the thing we never feel now. I will get lower to tilt me upside down, waiting for the sun on my head to come around now. Down my little hole, I sit my little brown now. Baby, you're up there in the sky. Oh, cause when you come by, always making me smile, always making me sing. Hold up, Mr. Big Sun. Oh, just look what you've done. Bring your love to me again and again. This antiseptic on the phone. The wall and the flickers in the mirror that stop to pay a call. Send my silhouette spilling across the other wall. I gotta get the summer feeling. Wanna let my soul forget when I'm healing. Come out of the zone to get to what's going on. Flying beats are flowing. I got to get the door now. Wait, just hold up, Mr. Blue Sky. Oh, just stay for a while. Long enough to smile. Long enough to sing. Hold up, Mr. Big Sun. Oh, Stéphanie McKay et Boca 45 sur France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver Géraldine Mosna-Savoie pour son journal de la philo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Alors après votre chronique d'hier, tous les auditeurs attendent votre second choix de livre pour cet été. Oui, alors je rappelle le principe quand même, j'ai choisi de vous parler chaque jour d'un livre de philo qui change la vie, oui rien que ça. Je rappelle aussi que cette sélection est totalement subjective et que chacun et chacune peut la contester et proposer la sienne. Place aujourd'hui au plus fin, au plus nuancé, au meilleur. Tocqueville, qui est-ce ? En 1831... Tocqueville part avec son ami Gustave de Beaumont pour l'Amérique où il séjourne un an. Le but officiel de son voyage était d'étudier le système pénitentiaire en Amérique. Mais lui-même, semble-t-il, se proposait dès le point de départ d'écrire un grand livre sur la démocratie américaine, grand livre qui avait probablement deux objets, l'un de comprendre comment la démocratie était possible outre-Atlantique et l'autre de préparer la carrière politique de Tocqueville. Car Tocqueville lui-même considérait qu'il était de son devoir, pour lui descendant d'une vieille famille, de participer aux affaires de l'État et de servir en jouant un rôle politique. Alexis de Tocqueville et son chef-d'œuvre de la démocratie en Amérique. Beaucoup cité, il est pourtant souvent peu étudié. Dans les librairies, il est d'ailleurs classé un peu n'importe où, parfois en sociaux, d'autres fois en histoire et en philo. Je ne dirais pas que Tocqueville est pour autant inclassable, c'est juste qu'on ne sait pas vraiment comment le lire et l'étiqueter. Le mieux est pourtant de s'en tenir à l'essentiel, c'est l'un des plus grands penseurs de la démocratie. Tout ce que l'on rencontre aujourd'hui, il l'a perçu il y a plus de 150 ans, en deux volumes et un peu plus de 1000 pages. L'uniformisation des mœurs, le problème du racisme, l'essence de la révolution, les dérives de l'égalité et de la liberté, la tyrannie de la majorité, autrement dit, tous les traits du despotisme démocratique. Tocqueville, c'est... Tocqueville, j'avais essayé une première fois il y a longtemps. J'avais trouvé ça quand même un peu ennuyeux. Et j'ai réessayé il y a 2 ans et j'ai été foudroyé. On peut lire des passages, il faudrait que je me rassoie. C'est un des passages les plus connus. Hein. Alors, je veux imaginer sous quel trait nouveau le despotisme pourrait se produire dans le monde. Je vois une foule innombrable d'hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs dont ils emplissent leur âme. Chacun d'eux, retiré à l'écart et comme étranger à destinée de tous les autres. Ses enfants et ses amis particuliers forment pour lui toute l'espèce humaine. Quant aux demeurants de ses concitoyens, il est à côté d'eux, mais il ne les voit pas. Il les touche et ne les sent point. Il n'existe qu'en lui-même et pour lui seul, et s'il lui reste encore une famille, on peut dire du moins qu'il n'a plus de patrie. Comme Houellebecq. Et oui, c'était Houellebecq, Michel Houellebecq, avec un très bon son. Alors comme lui, je suis restée scotchée en lisant Tocqueville. Printemps 2006, coincée chez moi pour cause de manifestation anti-CPE. Après plusieurs jours d'oisiveté devant la télé, je décide, par ennui, de rendre un devoir maison optionnel sur les premières lignes de la démocratie en Amérique. Celle où il dit, je cite, que parmi les objets nouveaux qui l'ont attiré aux États-Unis, l'égalité des conditions l'a le plus vivement frappé. Parce qu'elle donne, je cite encore, à l'esprit public une certaine direction, un certain tour aux lois, aux gouvernants, des maximes nouvelles et des habitudes particulières aux gouvernés. Contrainte de commenter ces premières lignes, je poursuis ma lecture et je n'en sors pas. Car ce qui est fou, ce n'est pas seulement de dire que la démocratie a ses dérives, comme le lit Houellebecq, mais d'abord qu'un principe politique a des effets moraux. Il produit des habitudes, des opinions, des sentiments, des usages uniformes. Autrement dit, un gouvernement n'est pas seulement démocratique, tout un peuple, chaque individu l'est aussi au plus profond de lui, jusque dans sa manière de sentir. Je conseille sur ces points le volume 2 de la démocratie, là où Tocqueville parle par exemple des sources de la poésie en démocratie, du soin pris aux affaires publiques, de l'importance du bien-être, de l'éducation des jeunes filles, etc., etc. Et ça donc c'est fou, parce que ça pose une question fondamentale, suis-je vraiment libre, même dans une société libre ? Tocqueville, c'est le philosophe qui montre, qui commence de montrer, et qui montre d'ailleurs jusque pour aujourd'hui, qui montre que l'égalité poussée à son terme, l'égalité des conditions poussée dans son extrême radicalité, elle peut instituer, elle peut créer un type de pouvoir régulier, prévoyant et doux, une sorte de nursing des citoyens qui peut, à l'arrivée, leur coûter leur liberté. Aron, comme on a entendu tout à l'heure, Houellebecq juste après, et maintenant BHL, Bernard-Henri Lévy. Une autre chose m'a aussi marquée en lisant Tocqueville, une question à laquelle j'ai souvent été confrontée. Peut-on l'aimer sans être conservateur? Peut-on pointer les dérives de l'égalité sans être un libéral de droite? Tocqueville est-il d'ailleurs de gauche ou de droite? Au fond, ça revient à se demander à quelles conditions on peut ou doit aimer tel ou tel auteur. Alors évidemment, les affinités politiques ont une importance, mais ce qui me ravit à chaque fois que je lis de la démocratie en Amérique, c'est que je suis à chaque fois surprise par la manière dont Tocqueville prend parti, mais toujours en pesant le pour et le contre. Il n'est pas inclassable, au contraire, il a la vraie classe. Waouh, Géraldine, ouais. Quelle déclaration d'amour. Déclaration d'amour à Tocqueville. Aaron Houellebecq, BHL et Géraldine Bosna-Savoie, c'est ça la vraie classe. C'est ça, ouais, la lectrice de Tocqueville. On peut réécouter votre déclaration d'amour à Tocqueville sur le site du journal de la philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide tous les jours à préparer cette émission. L'équipe des Chemins, c'est Colomba Grossi, Elsa Le Saulnier, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Thomas Beau qui réalise cette semaine, Jean-Frédéric à la prise de son, aujourd'hui, Chloé Réjon à la lecture des textes, et non pas l'inverse. On se retrouve demain pour la suite de notre série Sous le soleil. Et bien demain, nous serons en compagnie d'Agnès Piquel pour évoquer Camus, la misère, le soleil, la campagne est noire de soleil. Autant de phrases que vous connaissez peut-être, que vous n'avez sans doute pas comprises. On les élucidera ensemble demain. Vous verrez, c'est normal parce qu'elles sont, pour certaines, assez opaques. Demain, donc, Camus et le soleil. Mais d'ici là, pour réécouter cette émission sur l'invention du bronzage en compagnie de Pascal Horry, c'est très simple. Vous vous rendez sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter l'émission en ligne. Vous pouvez aussi la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, sous le soleil, par exemple, ou bien de nuit, ça marche très bien aussi. Rendez-vous sur les réseaux sociaux également, les comptes des chemins de la philosophie sur Facebook, Twitter et Instagram. On vous y attend. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.